je reste conscient. Djibril reste conscient. Je reste conscient. Que la misère est pire ailleurs. Certains vendent un rein pour vivre. Franchement, ça m'écœure. Je reste conscient que certains enfants africains ont une calache à la main et font la guerre. C'est inhumain. Reste conscient que dans les bidonvilles de Calcutta, des enfants pleins de vie sont atteints par le choléra. Je reste conscient que les jeunes des favelas brésiliennes ont la haine et sont armés pour la révolution urbaine. Je reste conscient que le nucléaire est dangereux. Faire péter la planète n'est qu'un jeu d'enfant pour eux. Je reste conscient qu'on n'est pas à l'abri d'une guerre mondiale. Jamais 203 vivre en paix si n'est qu'un idéal. Je reste conscient que les tirailleurs étaient en première ligne. Ils sont morts pour la patrie française, je le souligne. Je reste conscient qu'on ne vit pas dans une dictature. Je te jure que pour certains la vie elle est très dure. Je reste conscient qu'ici j'ai le droit de m'exprimer. J'imagine qu'en Chine je serai en tôle pour avoir rappé. Même si la candeur est splendeur, comprends que sur cette terre il faut rester conscient. Même si la candeur est splendeur, comprends que sur cette terre il faut rester conscient. Je reste conscient que nos dirigeants se moquent de nous. Ils font de la politique seulement pour gagner des sous. Je reste conscient que Sarkozy est un mauvais président. Sa politique capitaliste est franchement décadente. Je reste conscient que la liberté, l'égalité, la fraternité n'est qu'une utopie dans un pays rempli de préjugés. Je reste conscient que les drogues douces peuvent te tuer. La top alcool, le shit, un jour ou l'autre vont te stopper. Je reste conscient qu'il ne faut jamais toucher aux drogues dures, sinon tu finiras en épave dans une bonne ordure. Je reste conscient qu'il y aura toujours des extrémistes sur cette terre. Je vais donner le pen à les niquer vos mères. Je reste conscient que pendant tranquillement je mange mon kebab. Des chiites, des sunnites et vice versa à Bagdad. Je reste conscient que mon rap est engagé. Je suis un militant observant ce monde se détériorer. Même si la candeur est splendeur, comprends que sur cette terre il faut rester conscient. Même si la candeur est splendeur, comprends que sur cette terre il faut rester conscient. Et toi t'es conscient, et toi t'es conscient. T'es conscient ou pas? T'es conscient qu'un musulman c'est pas forcément Ben Laden, qu'un français de pure souche ne vote pas forcément Le Pen. T'es conscient que les Allemands n'étaient pas tous nazis. N'oublie pas qu'Hitler les Français de Vichy l'apprécient. T'es conscient qu'un génocide est un crime contre l'humanité. Au Darfour, plus de 400 000 personnes ont été tuées. T'es conscient qu'un imam peut dialoguer avec un rabbin. Les deux croient en Dieu, ça leur fait déjà un point commun. T'es conscient que c'est en terre promise que conversent toutes nos prières. En Israël, en Palestine, c'est là que devraient s'unir nos frères. T'es conscient que mon rap appelle à la paix. Il est engagé et t'espère l'unité. Et toi Samy, t'es conscient de quoi toi? Je suis conscient qu'on est tous de passage. Si. Je suis conscient que l'amitié c'est sacré. C'est pour ça que je suis venu te soutenir mon poulet. Si merde. T'inquiète refrain. Ça fait plaisir. Ouais. Et toi Romain, toi, t'es conscient de quoi? Je reste conscient que la vie est dure mais faut s'accrocher. Il faut pas perdre espoir et croire en ses idées. Et toi Raph, t'es conscient de quoi toi? Je reste conscient que c'est pas évident mais faut garder le sourire. Voilà ma réponse à cet état des lieux de Djibril.